notre île, rendez-nous notre Zion, rendez-nous notre maison, rendez-nous notre nation. Je viens d'un bout de terre aux portes de l'Atlantique, un coin de paradis, une petite Jamaïque. On faisait l'été péter nos sound systems, depuis quelque temps cela pose problème. Rendez-nous notre île, rendez-nous notre Zion, rendez-nous notre belle île, rendez-nous notre nation. Rendez-nous notre île, rendez-nous notre Zion, rendez-nous notre belle île, rendez-nous notre nation. Les gens venus de Babylone, aux esprits trop fermés, ont fait en sorte que nous natifs soyons tous exilés. Par le pouvoir de l'argent, notre île ils nous ont volé. Par le pouvoir de la police, nos platines n'ont plus tourné. Rendez-nous notre île, rendez-nous notre Zion, rendez-nous notre belle île, rendez-nous notre nation. Rendez-nous notre île, rendez-nous notre Zion, rendez-nous notre belle île, rendez-nous notre nation. Notre île était le bastion de notre communauté. Je ne veux pas qu'elle devienne un territoire bradé à des hommes en costume qui ne vivent que pour l'or. Je ne veux pas que belle île soit mangée par des porcs. Rendez-nous notre île, rendez-nous notre Zion, rendez notre belle île, rendez-nous notre nation. Rendez-nous notre île, rendez-nous notre Zion, rendez notre belle île, rendez-nous notre nation. À toi le pêcheur, belle île is your nation. À toi le planteur, belle île is your nation. À toi le marin, belle île is your nation. À toi le promising, belle île is your nation.